أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الخمور أهليته فإنها رجس متفق عليه. وعن عمر بن خارجة رضي الله تعالى أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولهابها يسل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بارك الله رسولك رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن حج العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد السجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قلنا بن سنت يالا جولي سنتي عليه الصلاه والسلام. كون تاي امانا ولا مانام سي جوتاي بي ويسو غيسون نيو حديث نيافو كيل دي نيان سي بلوغ المرام من ادله الاحكام وقال امام الحافظ احمد بن علي بن حجر رحمه الله عليه. سي جوتاي بي ويسو gi xalon nañu li nga xamne mom mo addu won ci masala fiqhi manam kon masala fiqhi ci jotaay bi wessu la jeex wa alhamdullah wala xawon na ci legi jeex alhamdullah wa legi kon inshallah taala hadith yi dañuy gis li nga xamne mom moy addu ci masala usuliyya wala aqaid fiqhi. Hadith bi nak mom moy bi seigne bi jang legi bu ñepp bi mom moy bu sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu benen bi ci def mom bi sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu bu ñepp bi moy mune wa anhu manam an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana yawm Khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha fanada أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. نعر المؤمن وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. kon bu ñëk bi mom moy ana sayyidna Anas radiyallahu ta'ala anhu wa anhu jël nañ ci mom batay imam sayyidna Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ne dafa wax ne khatabana lamma ba nga xamantene kana amon na xewon na yawmu khaybar xare khaybar xew khaybar amara digel na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam aba talha sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala anhu fanada mu wote ne annallah nak bur yalla tak wa rasuluhu al ndawam li sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum dananu len tere wala ni ngi len di tere an luhumi ci ndawalu manam lek ndawalu al humur bam al ahliyati yi keju keur manam moy mbam sufi wala moy am fa innaha ndax ñom day ritsun manam sobe la manam ndawal muttafaqun alayhi kon deppo nañu ci solo ko manam deppo nañu ci solo hadith bi manam moy imam al-bukhari imam muslim rahimahullah alayhi benen bi ci def moy wa an amr ibn kharija dilna sayyidna amr ibn kharija radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lana wa hnana khatabana khutban lan rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam bi minan samina wo fek mo yent bi sallallahu alayhi wasallam ala rahilatihi mingi ci kaw war wayam am ci kaw gellem ga walu abuha fek tufli tamit yasilu ñangay wal ala qafay ci sama mbag yi muna akhrajahu sunan hadith bi kan at-tirmidhi imam at-tirmidhi ta'dara imam ahmad la dikke wa at-tirmidhi ak at-tirmidhi wa khakha tim wëro ko man imam at-tirmidhi dafa ne hadha hadithun hasan sahih hadith bi hadith bu bax la bu rafet la te bu wër la donc lolu mom moy hadith yi nga xamantene manam mom lañu doon jangat bobo ba legi wallahi alhamdulillah minna ñu yex ci nak ci topandaw bi manam mom moy masala usul yi taway usul yi usul ak qawaid usuliya ñaar xam xam lañ yu fondamental ci no deug la ni andi neex mais ce n'est pas pour ça que parce que ñu sant sa bu yëkënta dafay wala légui kon usul ak qawaid usul ya kon ay xam xam lañu yo xamné dañu fondamental ci xam xamu yi tax ñu mëna xam manam atay yi xari ay parce que dañuy déllu wat ci nit ki mëna xam manam règles yi nga xamanteni ñom ñoy règles fondamentales yi tax yi nga xamantene ñoy ci li ñuy mëna tibbé atay li wuté nak usul ak qawaid usul ya fenn rek moy né usul bi manam usul à partir de usul yi ci la atay di génné alors que boudé qawaid usul ya moy les règles fondamentales de la méthodologie et voilà ou bien de la les règles fondamentales de la législation islamique manam al qawaid al usuli al fiqhiya quant à usul c'est la méthodologie fondamentale en tant que telle voilà donc ñaar yoy li len woutele moy que ne kon usul mom day jugé manam ci à partir de usul ci lañ xam ci lañuy mëna jinné axé ce qui fait que usul bo len jëli ñun ñëpp règle yi ci nek yëpp dañ leen di mëna appliquer contrairement à qawaid fiqhiya man qawaid fiqhiya moy règle yi nga xamantene borom xam xam fiqhiya dañ top xam xam top bamuy yaa ñu sétlu nek atay kat du mëna feele ne teunk ci ben règle général ñu différence ah mëna gëna ne teunk ci règle général légui règle yoy nak parfois dañ ay exception voilà en gros lool la bon loolu amon jottal nañ ci bis ay yaatal wallahi alhamdoulillah minna mais en gros loolu moy sen différence voilà mais yoy yep xam xam lañu fondamental parce que bu mu bëggé di xam ben atté muy ñëw di xam ben atté il faut que mo mëna bu li tax usul yi am solo lutax usul qawaid usul yi aqwal fiqhiya bok am solo moy né damay permettre ma mëna may man di bañu obligé di mokal ay règles di ay atté tout temps ça veut que obligé mo mokal par exemple nangam atté dedet comme tay par exemple comme ci li bok na ci ñuy gis tay inshallah comme du nan al amru yaqdir wujub illa idha sarafa wa sarafa anil wujubi ilal nadbi aw al ibah manam que ni de manière générale de règle bi moy que ni ndigal manam commandement ordre su ñëwé day dadi waral ben devoir obligation manam obligation de pratiquer ordre bobu day dadi ñu bamou dess suma amé cas de figure yo xamantene dañu taxaw lutax ma mëna juggé mu may wal né man digël bi ñu ma digël kat ndégété suma obligation pour doon pour obligé ma dara mais pour nan la pour mu jugé ci pour né dañ ko sopp la yoonu nonu bobu règle la bo xamanteni règle bu fondamental la ce qui fait que far mu jugé alquran wax masalan ne aqimus salata taxawal len julli damay daal xamni julli dafa war suma dégué mu ne atu zakata joxal len azaka damay xamni dafa war ce qui veut dire que dans chaque texte sacré buma ko rencontrer fuma dajé ben ba bumay wonné ma ben injonction ben commandement dama ci meuna dal di dégéni li dafa war ma top ko mais jusqu'à ce que voilà ma rencontrer wat lumay wonné ma ndégété li tax ken du won rek du won farata du won lo wat mais c'était juste pour né dañ ko sop wala bok dafa dagal voilà quand ça ordre ak lan lay tekki ak tout ce qui relate à cela lolou même bu fekkene ci usul la bok gissone nagn ko fan ha gissone nagn ko kany ha bini firi bat lan la bat ordre du tekki al amr amr lan lay tek lan lay def lan la al amru tek digel mais lan voilà mais lan lay tek lan manam lan moy definition digel hein digel ordre commandement waaw lan moy definition bi non lol conséquence c'est quoi la définition de l'ordre du commandement non mais lolou yow li ngay wax conséquence la non mais gisson nañu da moy ni def ko nga bay moy la moy luñu la deux moi là alors quand on se fait quoi puis notre tu prends les règles ah question amigo comprendre c'est quoi la définition du commandement ou de l'ordre la définition c'est oui en gros ouais mais moi je vous demande pas de chercher d'aller sur Mars pour chercher les réponses hein. Les réponses ont été données ici même l'obligation de faire ou une interdiction. Non mais déjà il faut différencier contraire ou ordre moi là. Hein? Voilà introduction moi Allah. Non après de là tu n'as pas le nom là mais déjà mon ordre là vous ne savez pas là dedans. Parce que non on l'a vu. Ah voilà quand on demande de faire. Maintenant moi vous nous l'avez dit de défendre. Mais lan defal la mais la go xamantene dafa and ak lan ak dogu dedet dafa and ak dogu moy talabul fi'l aw istida'ul fi'l talaban jaziman manam moy ñu laaj la ne la defal nangam mais laaj gogu ñu lako laaj dafa and ak lan ak insistance manam que ni xam nga tay bu mané la may ma ndox ce n'est pas un ordre pourtant dama la lacc nga jox ma dama la wax nga def mais waxuma la né dama la jox ordre voilà c'est à dire que sont des choses yo xamantene yoy il faut ñu koy xam c'est à dire que base qui moy définition yi dañ koy japp à chaque fois que ñu jall ci ben affaire dañ koy tek de côté xamni li japp lañ ko une bonne fois pour tout dootun ci jaar voilà c'est que il faut ñu comprendre une affaire non wa question yépp fi la ñu question yépp fi la amu question fenen mais il faut que nous comprenions bien l'affaire. C'est que là, je le rappelle, je l'ai rappelé il y a quelques semaines, mais encore, il faut que je le rappelle encore. Moi, là, moi, que nous, il faut nous ramener, ramdoum et tâtonner. Non, du tâtonner, hein. Du. Voilà. Du lol. C'est quelque chose bo xamantene dang koy xam xam lu wor ni li lay tek li nangam la ni nangam munuñu nak manam di manam di les connaissances basiques voilà les connaissances basiques munu nek lo xamantene dang koy tek ci ay yaakarna il paraît que je pense que il se peut que apparemment voilà non munu nek lool du fo mu nek lo xamne da wara leer mbir mu nek dafa am lu muy tek dafa am definition te sa yo xamantene munu ma am den affaire bo xamne dama koy definir bo xolé tire borom xam yi rahmatullah alayhim sa yu ñuy traiter ben affaire quel que soit sujet bo bu ñuy traiter bu ñu ñëwé première chose bi ñu ñëk def moy la dañ nan nangam de ñu ne waaw ñu ne lu xatam manam étymologiquement nangam lay tek mais ci cadre du xam xam bi ñuy wax nangam lay tek manam du fait ñu mëna xam d'abord lan li ni wax lu mu doon parce que su nekkenté man mënuma wax lan li may wax lu mu doon mais tout règle manam acte yi may teureul ci autour de lool yépp day dal di fo voilà yes exemple pata moy tout à l'heure tout à l'heure moy diga né señ kalle du ndax on dirait que dëgg bi dëgg mais c'est à dire que mom su ngeen la won waw et cetera ngeen waxtan ci yépp alors que boko leen won li ngeen di wax parce que mom yow li nga japp ni moy bidënt moy nit ku soorn ku ki alors que bidënt benen affaire la manam c'est à dire que bidënt dafa am lu muy tékki nga xam ngeen bu ko wala waxé xam nga li muy tékki sa un sens moy ko xamantene dafa naaje yew te bëggul woon naaje yew lolu moy bidël voilà legui bu fekké tane lolu la ci wolof djublu donc toute la discussion day dal buñu d'accordé ci lolu ñu xamni li lay tek dañuy dal di mëna waxat woon ñëpp xam li ñuy wax lan la kenn ku ci nekk day dal di mëna xamni li la lepp li ñuy waxtane dëg day dal di tourner autour de définition bobu voilà bari na waxtan yo xamantene likoy biéré même dans la vie courante moy né déjà dès le départ bokku ñu li ñuy wax voilà man dama ni guuy gi yow nga ni dakar gi ba paré ñu japp né même garab gi la ñuy wax bu ko défé man atti yi muy teurel ci guuy gi yépp ndégété yo yépp normal parce que dakar gi la yo dakar gi nga japp ni ci atteur ñu ce qui veut dire que ni buñu dama jëmmi jamono yow nga gis guuy da ngay wax ne man li mala do wax nit ne dara amuti fekk du lool mais yow ya djoum parce que man guuy la do wax yow ngay yow japp dem dakar la jappol manam lolu il faut ñu voilà faut lolu dafa important voilà mais buñu di def comme ben mustamli bi ñu wax manam waajo xamna da daan dictel ben serigne da ka daan ki quoi da ka daan transmettre wax bi mom da daan deggu amru da di bindu sey manam comme tay bu doon ci wax ben nak day deggu samba bindu mom bu serigne bi waxe samba mom dembalay deggu su degge demba da di bindu ibra buy wara nek lu mu nek li mod ce qui fait que voilà comme non lañ koy waxe donc il faut pas ñu mel non lolu mën nañ ko def ci daire bon et encore ci manam dans la vie courante ci yeneen affaire mais bu ñëk ci dogal xam xam il faut que ñu am rigueur bon ñu am rigueur bu mat ci lolu ñu xamni li li lay tek et puis amna benen mbir mo xamantene ñu bari dañ ci woro woro moy lan mon illusion manam moy lo xamne da ngay fokk ni li la ndekete du nona wala nga japp lo xamne du nona nga jappé ko ni nona loloy wor manam moy djoum ci ni nga jappé mbir ci wa woru woru voilà mais il faut que ñu comprendre que ni tay ñu bëri dañuy wor ci benn mbir moy né dañu japp né buñu déggé affaire yi ni min ko déggé ni rek ñu lañuy jappé ni fi tolu xam nañu jëpp est ce buñu démé tay mën nañu japp né mën nañu nekk li wat lepp alors que démé non manam mu ku nekk ci do ci jotta ayu xam xam dafa am importance c'est que nak ñun légui dañu tamu jotta ayu xam xam yo xamné bon entre guillemets danaka comment dire manam ay livre li pour le gëna jégué en fait voilà waxtane yo xamné manam limi wax yépp du am ben rigueur du am ben voilà alors que non xam xam du lool dafa wara am rigueur voilà légui kon ñu revenir ci liñ doon wax ay légui kon digël moy lan légui la jatt nan ordre moy lan waxna ko ni légui la ko wax li sant ha on doit faire avec instruction non on demande de faire avec instruction voilà ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni comme buñu la bo jëlé sa dom nga ni ko débal ma boutique ba nga jël na mako nangam lolou ndigal la alors que so jëlé sa morom nga jël xaaliss nako ah nga jëndalel ma ci boutique bi nangam koku dang ka sakku ci mom manam dang ko hein voilà xétu waaw yu bënté mais plutôt dafa am rek da nga lol ultimement dañ koy wax moy da nga lambas manam da nga dang ko proposition alors que tay bu fekkentene da nga ni sa papa wala sa patron nga ni ko may ma congé jox lolu dang ko ñaan amna lo xamne manam ay nit ay voilà te pourtant même verbe bi la même verbe bi la c'est l'impératif ha voilà xam nga voilà dox ma congé du imposer na la ko voilà ayo légui kon lolu il faut mu leer manam kon légui voilà légui pour ñu revenir ci liñ do wax en fait c'est tout ça c'était juste pour dire que ni en gros usul manam dafa bok sax ci règle liñ do wax sax moy الحكم فرع عن التصور الحكم فرع عن التصور موم لا ندون واخا en fait sank biñ doon insister moy lool moy qaida usul yi bob règle usul bu am solo la moy lan moy acte jugement verdict sur toute chose bala muy am il faut préalablement que la mo meuna xam de quoi s'agit li lan la lool mom c'est au préalable suma xamul li lan la mun ma ci indi ben verdict baxna wala kon qaida usuliyya usul lool la manam kon moy xam xam bi mi permettre bi nga xamantene motax usul c'est mom moy base même fiqh mom moy base quelqu'un ko xamantene xamul usul lenn lay meuna xam ci fiqh moy exception mokal jexna mais du mun nek faqe jamais munu nek oui du mun nek faqe du muna nek borom xam xamu fiqh munu nek c'est pour cela lol mom motax pourquoi parce que à chaque fois que ben question bu musulo gi ci texte yi ñew rek du xam ñu fi tonto pourquoi parce que xamul base manam méthodologie la méthodologie fondamentale le procédé bi nga xamantene mom lañu wara def pour mëna génné acte yi lolou du ko xam voilà procédé bu koy lire complètement du ko xam limi mën dal moy rendé mo amé mo mom lolou lay man manam day rendre mo et day am problème tamit mëna xam lan mom mo wir wala mo gëna sax ci bir yi mi gis ci téré bu ko mëna xam du ko mëna xam voilà légui kon ñu ñu revenir kon ci ci motax xam xam yu am solo la yo xamantene yu ma taxay xel la bon maintenant nak ko utinu sax bi comme niñ ko gissé won dañ ko dañuy usul bi ci buntu mu jëk ba dañ ko daal yaatal waye buntu mu ji manam dañ ko gattal dañ ko teunk ndax la ndax lolu jaayo ko lajo wa pour ñu diko teunk muy gëno wara parce que dafa wa do na jaxal da xawna bis ayo kon ñu delu ci ci buñu xolé de manière globale hadith bu jëk bi li nga xamantene mom moy buñu doon xol li ci gëna feñ te ëpp ci solo moy le fait que lan ban acte mo ci gëna feñ ci ëpp ci solo ci hadith bu jëk bi ha moy na la yaq mbam so dafa xaw lolu moy règle bi nga xamantene mom mo ci gëna fess ci gën ci leer té gis nañu né alquranul karim amul lam téré wu amul fenn fooy déme ci alquran mo na lam baa da xaraba lek manam baam bi ni yusuf amul kon lolu mom moy lam mom moy as-sunna masdar min masadir ash-shari'a as-sunnah manam sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam masdar la balway la ci balway shari'a manam ce qui veut dire que al-quran comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ala inni uhillu kama ahalla Allah wa uharramu kama harrama Allah moy hadith bobu nan bim nan am nañ gaay yo xamantene dañuy dañuy tok rek seen jekki way yi deñ nga neena lek bu sour rek wala nan ba mandi rek nan way suñu digënté ak yeen moy téré yalla bi wala ah suñu digënté ak yeen moy téré yalla bi wala bayni wa baynakum kitabullah wa fama wajadnahu halalan ahlalnahu wama wajadnahu haraman ahramnahu wama wajadna ma wajadna fihi halalan ahlalnahu wama wajadna fihi haraman haramnahu luñ ci fekk mu daganal lañ ko luñ ci fekk mu haram haramal lañ ko mune gaay yoy nañ def attention parce que man damay daganal comme ni yalla daganal may haramal ni yalla haramal hadis bo mu nek ci sahih ci ay riwayat yu wuté voilà ak alquran sax wax na ko wattabi wa hadha an-nabiy wattabi an-nabiy al-ummi alladhi lam tajidunahu maktuban fi at-tawrat yuhallu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith voilà الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون wala kon muy wax na ngeen top yenent bi nga xamantene sallallahu alayhi wa sallam ummiyula mana jangiwul fenn fuñ ko xamantene fuñu xam la jangiwul jangiwul sa kene man ta wax ne yenen bi sallallahu alayhi wa sallam man mako don jangam kene man ko wax wala donte nak mom moy lan moy borom xam xam bi gëna mak sallallahu alayhi wa sallam moy ciosan xam xam bi deug ya ayyuhal ummi yuhasbuka rutbatan an darak bikal ulama wala yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ummi yow nabi ummi yenent bo xamantene jangul fen wala mais doyna la martaba moy la moy ne borom xam xam yeb ci yow la ni wor worlo yaay sen point central bi nga xamne moy sen bello way sallallahu alayhi wa sallam wala amna fuko imam al-busayri radiyallahu anhu waxa ci burda bi dum nan yaakarna kafaka bil fakh fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutumi akuma djum bay non la dem doyna la poukere wu wala kiman moy la fakk nga nek ummi yu ba pare manam moy ko xamne analphabet la c'est à dire que jangul wala yeralti bi sallallahu alayhi wasallam jangul mais bi wax yu bi ñewé dafa am xam xam mbolam li ñi jang man nako xam nako wala lolu doyna la tuk parce que même téré bi nga xamantene moy alquran lepp mom moko dicté lén lu ci nek mom mo wax place bi muy nek ba paré lén lu ci nek mom mo dicté nan lañ koy bindé moy liñ wax ar-rahmul usmani bind bi ñi bindé alquran bi nga xamantene bi la bokut ak amna yi lu ñuy bind ci alquran lo xamantene ci arab normalement duñ ko bindé non mais bu dé ci alquran non lañ koy bindé té yentou bi sallallahu alayhi wasallam mo né exactement li ni lañ koy bindé bu ko bindé nenen ni lañ koy bindé comme as-salatu waaw gogou du nek ci salat bu dé ci lenen lu alquran salatu sat lam alif taala mais bu dé ci alquran sat lam waaw bo xamné dafa am alif ci kaw ta sa'urikum ayati sa'urikum daral fasiqina u xam nga urikum lañu bind alif ra ya kaf mim lol mom moy ci arab mais bu dé ci alquran day am waaw ci digënté bi sa u alif waaw ra nangam et cetera manam yoon yeen bi sallallahu alayhi ci bop mo dik ci ni ni lañ koy bindé kén du ko bindé nena Allah sama wala et cetera donc ak yenen alfa and fa bindum bopam deng kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom kon mune imam bu fi radhiyallahu anhu ko doyna la ki man moy nga nek ko xamantene no do ma ummi nga mais nga ne ak kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan wa kay lolla kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutumi wa kay doyna la ki man moy le fait que nga nek xam xam borom xam xam bu ri bi nga xamne yow yaay borom xam xam bu borom xam xam bi en tant que lan anam ko def ku jangul da lolu ki man la amna benen ki man moy yow ya upp yar ñep ci ko xamantene njirim la parce que li nga xam moy ne gis ko bo setlo ci nga xamantene dafa magge ci ben parent kess kenn kenn rek souvent kokou ci yaram day am lu ko manquer par rapport ak ki nga xamantene dafa mag ak ñaari wajuram légui la ngay xalat ci nga xamantene mom jirim lo totalement manam cela ne pas dire que ñoñu duñu yar mais quand même dem ba nek ba am excellence ci yar ba raw ci ñepp fekk jirim la quand même lolu ci man la ba nga xamantene ñi yaru yépp ci mom lañuy copier sen yar lolu ke man la ayo kon liñ ci djublu won yépp moy la moy né la sunna ballu way la ci ballu wayu kon yantou sallallahu alayhi wasallam mo ne kon top leen yenente bo nga xamne ummiyu la bi nga xamne neen deen ko fekkon manam yahudi dañ ko fekkon ñu bind ko ci tawra turum mi ngi ci tawra mo ne ba nopi mom de yenente bob mom da leen di daganal la da leen di daganalal yitte yi ne daf leen di haramalal sobe yi yu sekhlu yi ba pare muna waya daw anhum israhum sen yiddison ci ñoom daf leen koy woyé falal mota yeenbi sallallahu alayhi wasallam ne inna ma bu'ithu bil hanafiyyati sabha hadith bu nek sax imam al bukhari rahimahullah man de dañuma yoni rek pour manam ci may indiel li nga xamantene mom moy al hanafiyya al sabha yi nga xamne dafa woyo dafa jup xot bax mais woyo simple waya daw anhum israhum muna wal akhlal allati kanat alayhim ak akhlal mom moy chaîne yi nek ci ba jing yi hein moy chaîne yi nga xamné ci batti dañ koy def nga xamné dañu nekkon ci ñom allati kanat alayhim ño nekkon seen taw moy doya dal gi leen dal doya dal way et cetera manam ñak teranga be ak yi nga xola te yoy yep ku ci top yentu ci sallallahu alayhi wasallam mu ci ci lool yalla ñu yalla sam mo ne kon ñi nga xamne ñoom ñoko gëm top ko wék ko ba paré dimbali ko ñoñu ñoñu tax sallallahu alayhi wasallam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay waxam ay jëfum ay doxalinam ballu way la ci ballu way sharia yi manam kenn mënul taxaw ne man alcorane rek lay atté wo lolou kep ko wax ñoñu lañuy wax lan ñan lañu leen tudde alcorane yoon ñoñu ay xéet groupe lañu ko xamné alcorane rek lañuy tok sukkandiko ñoñu dañuy joom amna ñeneen ño xamné dañu japp ne lan lañuy jëfëndiko ñom pour ñom ñaari xexexe rek doy la est ce que mi sahih bukhari ngeen di dedet est ce que mi sahih muslim mu lay ngeen di dedet ñu ne ah no kon nak no ñu wolu amna ñoneen ño xamné parce que lolu boko dindé dafa am lo xamanteni borom xam xam yi ñu mëna nangu seen xam xam yépp d'accord nañ ci comme lu demé nek imam al mahdi al muntazar day ñew radiyallahu anhu dana ñew mu djëm da ñewagul la mais dana ñew ha da dina ñew imam al mahdi bobu radiyallahu anhu nga manam ay mbiram nekul ci ñaar taxé amul ben hadith boy tek ci ñaar taxé buy wax waxu imam mahdi amul cependant dajjal amna hadith bu nek ci wat ha sahihu muslim imam muslim rahimahullah bu ci wax moy hadith kan ha bal sahaba la ha bal sahaba mom la haditham de sahih imam muslim wax ci dajjal ci tamim ad-dari radi Allah anhu mom rek moy seul personne bi bi la wa okay bi yeralti bi sallallahu alayhi wasallam solo yitou ñeneen ci def yeb hadith yi ngay gis yeb hadathana andi wu yekke ci yeralti bi sallallahu alayhi wasallam fa lay arrêté wax bam def hadith bob bu yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa paré daal ni tamim ad-dari netalina en fait il faut la haul constante en le hadith en général dañuy jëf yëneenté bi lañuy wax wala lu mom mi lu mu wax les nata yëneenté mom do solo rek dañ dal ko mom bo xam lañuy wax voilà lan moy hadith wax donc ka xam mais ki bi lu mu waxe ni sama solo ci mom voilà lan mais lan moy xam nga hadith hadith lan lay tek voilà lan na deug dañuy def par ordre ay comme dañuy rek dañuy top suñu xayira ñu xam sax suñu xayira ñu xam sax moy al hukmu farani tasawur acte bu nek un verdict doit être précédé par la connaissance ou la définition de la chose legui kon al hukmu farani tasawur lan moy hadith djuk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak lan lum fekke ok te saxal ko moy liñu wax confirmation wala voilà kindire ko voilà certifié mais cette règle là n'est pas bon en gros voilà doulu global comme li imam ash-shafi wax radhiyallahu d'ailleurs usul la mom moko tay da bobu moy la yunsabu ila saqitim qawl ken do askana la usul moy la méthodologie fondamentale c'est cette science là voilà deng mune ken du askana la ku nopi ken du ko askana la lan wax ah voilà man dama nopi gaay affaire bi xewna man nopi na kenn munu wax ne man ma wax nan donc dafa am ay circonstances yu muy nekk vrai ak yu muy nekk faux ki ne di mou on sent dafa am fu muy nekk vrai ak fu muy nekk faux voilà mais en tout cas fi boudé yeen ci sallallahu alayhi wasallam limu saxal donc da ko certifier par sa présence lolu tax ndax la yoy djoudou takhirul bayan hein fi mawta khada du dagal ñu baye baña yexé léral ci place bo xamna dañ ka soxla voilà ayo lolu qa'ira na nga qa'ira fiqhiya donc légui ñu jël kon waxu yelente bi jël fo ak lan lumu fekke saxal ko lumu saxal rek ak lan ah fofu lu hadith yam ha ne kon ñun li ñi jang xamuñu lan la non mais yoyep ay wax dima diglé mom moy lima wax rek ci la bok amna bénn ñu ñu rapporté ci lu démé nan c'est un comportement ah voilà ci lo xamanteni ay jëfum la ay kilen manam non kilen description voilà moy tay bu ñëw yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñol won gatt won wala moko daxon ci nit ñi mo gëna rafet ci nit ñi lolu hadith la ndax la ndax dañuy melol buñu jox wasul khalqi la c'est une description physique allah amna benen moy bi ko nuru description physique kay amna benen description morale voilà bu ñe yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa tabé won hadith ayo légui kon mom moy jurum yoy la kon hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy lepp lo xamantene dañ ko akkenale yenenbi deglu bu baax mu amul benn mou bu anodé ci li ci description bi dañ ko askanalé yenente bi baatu askanalé lan lay tekki ha lui a été attribué vrai ou faux après benen affaire buñu wara régler après mais buñu définir hadith moy que ne attribuer nañ ko ci la wax wala lan jëf wala lan lu mu saxal wala lan melo wala ñu melale ko jikko wala ñu melale ko ak deuk jëm ci jëm lool mom ma hadith legui est ce que yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam wax jimu wax ne tamimud dari neena wa nangam hadith la lu tax waxam la mais comme mom mo nekul jangale kat bu man bi daanul bari luñu ne munuñu ne par exemple comme mom mo da manam mbiri ci mom la tan jexé voilà comme di ki waxone mais kanu la ci gars ash-sha'bi rahimahullah suma djoumou ash-sha'bi won dafa ñew fekk benn serigne bu jangale mera mu indi isnad yepp andi yenenti ba ci yenenti sallallahu alayhi wasallam neena ni qala rasul an rasulullah sallallahu alayhi wasallam an rajul ya an rasulullah an rajul mera man an rajul moy mu jele ci ben wal legui nak man neena mané xaral ma dem xoli ci anaka moy serigne yenen te wax mais bima ñewé tim kee jim doon lire hadith la mo gis na azza wa jalla la manam allah azza wa jalla ada la djumte wala bébé dafa djum parce que en fait bu ñëk ba gaay da nañu def tombe yi ak mass bon mass yi mom ba légui dañ koy duñ koy di def mais tombe yi da nañu ko def tak bu ñu bind xat ki sen texte arab avant da nañu def tomber tamit parce que nit ñi dañ ko daan xam ndax réellement mais bi affaire démé ba ki ci lañ commencé nak bindu tomber ak dimanche wala motax souvent ñom dañ ko daan bindu ngam dañ nan comme harf bi dalun muhmala wala mu'jama et cetera wala yu mel non manam buy wone ni amna tomber wala amul tomber wala yé légui kon voilà donc dénga légui voilà légui ñu déllu suwat kon ci lu ñékkon moy la mo né yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam manam hadith yi bo jappé ni par exemple ci alquran rek la né manam até ci alquran rek la mëna génné da ngay joom so jappé ni ci lan rek la génné ci hadith yenen ci sallalahu alayhi wasallam manam yi nga xamantene ñom ñoy lan ñoy wala yi nekk ci sahay rek da ngay joom bo jappé ni ben ba ci sunna ni kefe da ngay djum hadith yeb dañ len di meuna prendre en compte fek wirna ak fek xafar lañ après yenen yi ci dess yoy ci ay cadre figure lañuy xol donc lool nañ ko bayyi xel deng ayo legui benen bi ci dess kon mom moy ñu ñew ci côté amru digal kon qaida bi ndik bi gëna am solo mom moy biñu xam moy ne sunna masdar d'ailleurs mom moy ñaarelu masdar moy ñaarelu ballu wayu lan ak sharia yi moy sunna amna benen ballu wayu ak sharia mom moy lan ha ijma qiyas et cetera yoy barena mais até bi yi nga xamné ñom ñoy yu fondamental mom moy alcorane ak sunna ah texte en tant que texte sacré voilà benen légui kon ñu ñew ci at al-amr ak an-nahy voilà al-amr définiron nañ ko sant duma la jax définir mais an nahyu la la te definir ko wa interdiction moy la wa non yo da nga firi wolof tere moy lan moy tere exactement moy lo xamantene dañ la laaj ni bu ko def ba pare ñu dogut lool moy tax legi ce qui fait que règle bi mom moy première qaida bi nga xamantene bok na ci qaida yi nga xamantene mom lañuy xam mom moy al amru yaqtabil wujub comme niñ ko gissé ndigal day waral ak waral yaqtabi al wujub voilà dokoy implique donc l'ordre implique l'obligation lool mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam fi bi waxe sayyidina abu talha radiyallahu anhu ne ko lan manam jox ko ndigal pour mu dem wote mudul wona la bañ ndax ndigal da fay waral lan wala exécution donc ak waral l'obligation de l'exécution legui mu am tamit li nga xamantene mom moy benen règle mais lolou comme niñ ko waxe sank moy lolou moy règle générale sauf que lolou tax ñu la wax al amrul mutlaq lolou tax ñu utiliser baat bo al amrul mutlaq yaqtabil wujub parce que sinon après dañuy utiliser al amru yaqtabil wujub illa idha sarafahu sarifun an al wujub ila an-nadb aw al-ibaha donc lolou mom moy qaida bu complet mais sinon bu fekké ci nga bëgg teunk xaydo dañ na rek amul mutlaq moy l'ordre absolu implique l'obligation de l'exécution voilà parce que la yéne ci bi sallalahu alayhi wasallam ko xolal malaakai malaakai bi ngeen len sujudul adam sujudul len mo adam c'était une obligation et pourtant juste dañ ñu rek sujudul len mo adam ñom ñu sentir né c'est une obligation d'ailleurs bi iblis bañé debu ko problème lo ci jël ci la ci jël rebb buñ ko rebb hein motax il faut ñu bayyi xel lool akay sharia yi war ñu ko fo ya subhanallah xolal iblis ak li nga xamantene mom lañu toxal né jaamu nako yalla dayde djuroom ñet fukki djunni ci ay 80000 ah yo xamanteni da lu jamm yalla ben yoon xolal ben yoon la moy digelu yalla ben yoon mu yakal ko pour éternité wala lolo tax digelu yalla yi ak ay téréem foñu lan sa monté ak mom bañ ko doyé dal bañ né grawul amul solo amna solo dé ha voilà ne serait-ce qu'une seule fois bo xamanténi nit ci moy na boromam mën nako yobé alkané aduna Allah sax yalla ñu yalla xam lolu mo lolu kon mom lolu daf koy wone manam al amru yaqtadi la al wujub ndigal bi day impliquer l'obligation legui benen bi ci def benen qaida bi moy al amru la yaqtadi takrar bo tam benen qaida usul la bo xam dañ ko meuna gisee ci sunu hadith bi al amru la yaqtadi at-takrar manam ak ndigal du impliquer ak baamu lol moy de manière générale motax ñu al amrul mutlaq la yaqtadi at-takrar moy ndigal go xamantene dafa absolu dafa général dafa absolu du waral une répétition manam moy pour manam répétition de l'exécution voilà ndax lan xolal sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala anhu biko yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ne la demal nga wax gaay ne len yalla ak yentibi sallallahu alayhi wasallam téré nañ leen lan yap mbam seuf sobe la ha mom benn yon rek lako waron mu dem bokk manam du won obligation di dem delu suwat demat waxat gaay delu suwat demat waxat gaay delu du do deureu lolu obligation mais parfois su fekkete ne cependant bu fekkete ne dañ ko lekkele ak chat wala melo bi al amru mutlaq idha ulqa bi shart aw waqt yaqtadi takra cependant manam ndigal go xamantene al amru mutlaq la manam ndigal la buñu bu absolu ni ordre lay ne su fekkene ne dañ ko lekkele ak ben melo wala chat day waral baamu bi mais même lolu dafa am ay circonstances aussi comme tay par exemple suñu né lolu du comme cas de figure suñu hadith mais meun nañ jël benen cas de figure moy buñ né aqimus salata li dulu ki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda القرآن تخول الجل أقم الصلاة ولا بين أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مانام نيار آي ييب داني تكتالي نه وقت جولي مانام كون تخول لين جولي كون مانام تصبح تابسان تيمس جي فورتنك آي فورتنك لول فورتنك آي لول taxawal len julli manam lolou bu boba moy lan dañ ko teunk ci chat moy waxtu yu dubbu ak tamit ci yeneene chat yo xamantene manam le fekk rek aqim wa aqimus salata wa atuz zakata taxawal len julli li ngeen joxe azaka lolou rek manam taxul ñu mëna wax ne ben yoon rek la la julli di wax waxul ne ben yoon rek la la julli di wax wala ben yon la azaka di wax mais dañ ko teunk ci ay conditions yo xamantene yeneeni tek sharia yi yo xamne fa yene ci alcorane lañu yene ci sunna lañu ñom ñoo woné né ndek dañ ko teunk ci ay conditions ay charte ba fara ak ay melo donc lolu bu waré lolu nak day waral baamul ce qui veut dire que ni bu fekkante né azaka dañ ni doxaleen azaka moy sous condition ko nisab bi nek fi manam le seuil bi nga xamantene moy le seuil imposable nek fi plus lan plus al khawl manam at ba at delu ci wat voilà mu periodique ni ci nonu julli ci tamit dañ koy teunk ci waxtu wi dubbu ci ak yenen condition yi ma ak voilà ni teunk ko ci ay ngala bu boba day waral baamu gi mais liko waral mom moy condition biñ ko fi manam sayu julli joté sayu par exemple jant bi sowé amna julli bu lay wax moy timit à chaque fois que le soleil se couche timis day dal nek obligatoire ci yow voilà lolou ci condition ak voilà yi nga xamantene mom lay am kon dañ ko teunk ci ay melo ay ak ay cour ak ay condition mutlaq moy absolu voilà baxna voilà légui amna benen qaida mom moy ne yeralti bi sallalahu alayhi wasallam bu digele xetam bu digele ben parti ci xetam dara ndigal gogu day wey ci yenen parti ci xet bi ha al amr amrun nabi sallalahu alayhi wasallam li afrad min ummatihi amrun li kafati umma digal bu yenenbi sallalahu alayhi wasallam digal ci ay ben parti ci xetam am ay element digal la ci mbolam xet moy lan xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu digale ne na dem wax ne manam sayna abu talha radhiyallahu ta'ala na dem wax na gaay kat yalla yenen sallallahu alayhi wasallam téré na le nangam da fay war tamit ñun tamit ñu jottali lola manam ñu jott li ndigal lola ba fa day war tamit ñun ñepp manam nim ko téré ñé non lañ ko téré non lañ ko téré ñun wala manam mënu ñu né rek comme ñen ñi ni nga xamantene tout temps lecture bu biaisé bobu lañu am ya subhanallah manam da ngay yewu ci yalla mi ngay gissé leg leg ñen ñi mi ni bëgg ni ñi obstiné wo ci di tek di jema tout temps wax né wala non c'est que li yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñi la ko digalu mais ñu ko digal nonu loolu limi tek moy ñepp la ko digal loolu moy de manière générale maintenant nak amna ay cas particuliers yo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu digalé kenn nangam c'est parce que koku cas particulier le motax loolu da lay di am loolu cas particulier lay am mais sinon cas général cadre général mu moy di moy né su ab hadith ñewé wala ay ñew digal kenn hein même yenenbi bi mom ci jëmmé bopam sallalahu alayhi wasallam bu ko yalla digalé mom ci jëmmé bopam ha daf ko ndigal la ko xamantene day wé ci ñepp lan mo koy tekkal aya bi na ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisa fa talaquhunna li iddatihinna wa ahsul idda e yo yenenbi sallalahu alayhi wasallam muna wa muné bo len be fasé soxna yi gis nga wax ko boy yow yenente bi ñu la mune bo len be ah ñepp la et cetera amna yeneene aya yo xamantene hein ñom tamit dañ koy wone manam yu wone ne yenente bi kat sallallahu alayhi wasallam buñ ko joxe ben ndigal ndigal loola day daali wé ci ñeneen ni gi nonu mom bu joxe ben ndigal day dem ci yeneen loolu tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi gaay naare pamte kaw kaw bi bi mu touré ndax ci jakkaji yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu mu leen wax daf ni leen innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina yeen bi dañ leen di digal rek pour ngeen di yombal dañ leen yoon dañ leen fi yooni pour ngeen di yombal keen yu ñu wu leen pour ngeen di jaxaña gisulo ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam limu liko yalla digal non manam mom la yalla yooni mais mi and ak lolu mom dafa ni yeen dañ leena yooni tamit moy ne message biñ ko yooni nepp message bobu lañ ñu yooni ñu wacc giñu wacc alquran ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ñu wacc giñ ko wacc ci ñun ndigal giñu jox yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ndigal giñu jox ñun ba mu def ci ay ka tamit lan yu particulier comme niñ ko xamé yi nga xamantene yoy ay khasa'isun nabiy sallallahu alayhi wasallam ay jangleem lañ yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dong ko saña def keneen tañ ko def lu demé nek tan tak lu upp ñen dafa ko ko yeneen bi rek ko saña def sallallahu alayhi wasallam alquran mom mo ne ko khalisatan lakka ñu doon mu'minu li mom yow rek ko jago ñi ci def ñepp nak man na no def ba ñent waye rek wéxu ñent nak la ñi la kenn sañu mu ku ñu yéne ci sallallahu alayhi wa sallam kon yoyu dafa mata xamé parce que yi ñuy wax yépp day am ay effet day am ay effet ci ci mbir yu bare bare ci suñu ci legui annah ñu ñew mom annah yu yaqtabi at-tahrim man annah yu mutlaq yaqtabi at-tahrim manam ak téré guñu doyal day waral lan ak kharamal waltam benen qaida usul ya manam téré ko xamantene dafa dañ ko doyal day waral ak kharamal day waral ak kharamal moy lan yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam tere nañ den lan ngeen lek mbam mbam sa yaq bi ndax lan sobe la tere gogou dafa wara lan ak kharam nek fi nan waw ku ko def manam ko utiliser wul baax dafa haram dafa ne rek téré nak ngeul donc lolu day ko textal lolu mom motax lu haram bokku na ci niñ ko xamé way mo téré giñ ko utéré wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq bu len ray bakkar bi nga xamné yalla dako xorma lu ci ak wër ci droit bu leer lolu la day tek la ray ni da haram wala taqrabu zina bu len jégué ndialo lolu mi tek dafa haram fim dool kenn munul taxaw wax ne ak wala tusrifu bu len yak kenn munul taxaw ne buñu yak rek la wax peut-être que haramu waxa wax ay amna yeneen ak yeneen yo xamantene manam kon da ngay gis ne parfois nak buñu téré téré day ñew indi ay conditions yo xamantene ñoy wané ni ah li ka nekete haramul won dañ ko sip rek comme lu démé neké lu démé nan kan mo mo jox exemple né haram ah ba yu wénen dañ ko sip wala ah mo lu démé nek comme taxaw tour ndox wala taxaw tour ndox gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ko ci hadithu kan sahabi bi nonu tuddu ci way Huzayfa radiyallahu ta'ala wala wala nabi sallallahu alayhi wasallam fi subata taqawmin wala qa'iman alors que sayyidat aisha radiyallahu anha ne من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا ولا قاعدا وما حدث يمكن صحيح لني فعلا ينتبه صلى الله عليه وسلم كن بفتحوا تحولوا تورا wala amna tamit mbir yo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dakoy manam tere mën na ñew après am cause bo xamantene dañu xamni cause bi motax ni tere parfois tere mën na dem ba nek lo xamantene da fay day nek farata manam dañ la tere mais farata la nga def manam astaghfirullah mot bi en tout cas expression bi voilà moy comme fim nan alcorane ci alcorane amna non contraire exemple contraire digle bi mo nek sama xel instant bi ni mais contraire terre bi ñu moy comme nan ifalu ma ci def leen lu leen neex moy bu leen def lu leen wala moy def leen lu leen neex limi tek moy bu leen def wala bu leen ko def wala wala en tout cas amna ay exemple yo xamantene day am manam do xamantene terre bi ci demi bokkom moy cadre figur yoy non ni waji mu nga ci ci bu du ba fa waji wala okay waji do ci leg mu jallu quoi inshallah wala day kon ala kul halu tere donc amna ay circonstances yu bari comme ni mu amé ci diglé presque règle ñu doon wax yépp ci diglé ci tere day am mais bam dess kené tere mom day daal haram ba faaw comme tay par exemple xam nga buñ né buñ la diglé dara ben yoon rek lay war comme niñ ko wax alors que bu dé tere contraire bi la mom ba abadan lay haram wala comme buñ né bu len satch limi tek moy waxu ñu nga bañ ko def ben yoon suk ka bi présenté moy né à chaque fois que ka bi présenté wala sax dañ waro satch lool lay tek contre lool mu moko wuté ak digël parce que lu tax parce que diglé dañ la sax nga def alors que téré dañ la sax nga bax manam dañu saxu pour jëf ji baña am wala lool la sax ci yow jëf ji baña am wala deng amna benen yeneeni qawaid yo xamantene ñi ngi ci usul bi ba tay mom moy ci walu manam haramal dara gis nga dafa am luñuy wax as-sabr wa taqsim as-sabr wa taqsim moy lan moy moy ñu am dedet du sabru wa taqsim la bëggono wax tanqihul manat la bëggono wax tanqihul manat moy lan moy am circonstance yu bari yu dajalo ci ben affaire moment bobu ak atté ñu wax ci mbir mom ma wara xam nak lan moy cause yi nga xamantene mom motax atté bobu ñu teroko comme suñu cas de figure mbam bi gis nañ ko période la won bo xamantene biñ koy téré période la won bo xamantene lan hein xex la won voilà donc lolu ben la ñu jël hein deuxième condition deuxième circonstance yi mu fekk mom moy lan moy ni nit ñi dañ ko doon lek ba gaay amutu ñu luñu war muy ñaaral bi ñettel bi mom moy moment la bo xamantene gaay dañ ko taxmis manam dañ ñoo commencé lek ci yaa manam ci mbam commencé rañu jëfëndiko amañu ko manam avant ñuy sédel kenn ko ci nek ci rom ci butin de guerre kon circonstance yépp dajé benn bu ci nek mënon na nek cause ñu haramal ko lolo tax mu am yenn ci sahaba ay radiyallahu comme ni mu nek ci sahaba comme niñ ko gisé bi ci baati biñ koy sahaba ak ci art fiqi kene nak ñuy wax nek peut-être li mo taxone et que comme bu condition yoy dañé rek lan haram gi lek mbam haram day dal di lan yëkëti ko mais liñuy wax tanqihul manat ci usul mo lay permettre nga mëna xamné ndegété acte bi cause bi taxone li la lolou dafa am acte important ci acte fiqh ci acte pour mëna xam ci usul bokku ni ci point yi gëna important motax lu mota bayyi xel la moy né bu acte sharia ñëwé ben texte sharia ñëw ñu gis ci acte manam né nangam dafa war wala nangam dafa haram wala dafa dagan wala et cetera ñu wara xol nak ñu def ñu tuddé tanqay xol manat manam xol lan moy circonstance yi nga xamantene mom moy yépp lan mo ci waral acte bi meuna ñew est ce que gaay dañ nek ci jihad motax ñu ne mbam dafa xarab dede parce que lolo tax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah tan hadith bi précisément parce que dafa préciser clairement que ni sobe la motax hadith bi do préciser clairement que ni yapp mbam sobe la lolo tax mu haram kon bu fekkonté né comme sobe la nak mom moy wané ni kon lan ñu nekk jihad ou pas yapp mbam dafa haram que gaay yi am ko butin de guerre wala peut dafa haram que gaay yi am na lu ñu war wala amul lu ñu war dafa haram sobe la sok motax baam loolu lañu wax tan xeful manat benen bir bi nga xamantene bo lol day dox ci lu bari moy comme waji ñewon ci ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam man dama alkuna porna problème musiba dal na ñu lako lu xew mu nako parce que man nga gis ko ndeysan waji di joy wa mune lan mune parce que beccu gu wéru koor gi de ci la joxe ak sama soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko hadu sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko manam tektal ko kafara yi wara def gorel jam munuko nga wor 60 jours tegalo munuko nga lele miskim 60 ki munuko ñu indi fa sarax tandar may munako kon saraxel li muné ah digënte ñaari montagne medina yi man ma ci gëna soxla li munuko wa kon jël ko nga yobbu ko yek wala finalement dem sa saw retat bi ko jël ñu yobbu ko manam muñ ko quoi mais lolu acte bobu dalay wonné manam tanqihul manat dalay permettre manam lan moy waral kafara bi d'ailleurs bo xolé fuqaha yi fofu lañu wuté mo tax ngay gis fuqaha non do até bon benen até la mais fini par exemple dañuy gis né dañuy buñu xolé né li waral até bi moy né waji dafa marié wu ba par dafa tuddat soxnam lool mom mo waral até bobu dañ nan la dédé parce que lan motax parce que lool mord la té kèn téré wu ñaaral bi ci def mom moy ñu né waji li tax ñu teural acte bobu ci kawam mom moy né dafa li ñu nekk ci koor gi motax koor bi dañ nan du koor gi parce que bu doon guddii la ci koor gi acte bi du teggu ci kawam ñu né kon le fait que waji manam le fait que mu ñu nekk rek ci bëccëgu wëru koor mo waral lool dañ nan dédét parce que la ñepp ngi ci bëccëgu wëru koor mais acte bi ni dañ ko teureural ci ki spécifiquement effectivement bi bu dox taxna borom xam xoy wuté effectivement acte bi ni motax borom fuqaha yi bokku na ci li ñu wuté effectivement moy acte bi ni bokku na ci moy né est ce que kon c'est parce que dafa dox koor gi gis nga bu dé fuqaha maliké par exemple la ñom dañ japp né limu dox koor gi ci bopom tax hanafiya yi rahmatullah mom motax kafara gi war ko alors que bo xolé fuqaha shafi'i xana bi rahmatullah alam ñom dañ japp ne dedet limu teud ak soxna ci la manam du dokor gi ci jëmmu bopam mo waral kafara bobu mais teud ak soxna ci bopam moko waral manam teud ak soxna ci bokul acte ak leneen lu dul lool manam bo xolé kon ci ñom ci biñu taxal manat biñ ko defé ñom ñep manam biñ defé li ñu tuddé taxal manat ñom ñep bokku ñu acte biñu genné manam ni ñu résultat biñu produire bo xolé comme fuqaha maliké dañ japp ne li tax tanki li tax ñu teureul ko acte yoy ne ko da nga wara kafara gi mom moy lan moy dox koor gi rek tout simplement manam moy nit ku meuna doon ak nu mu meuna doggé koor gi te tay ko précisément rek lan acte bi day teureul ci kawam da nga wara kafara alors que boudé ñene ñi dañ ni lan il faut non du façon dox koor gu ne teud ak soxna ci bopam moy waral lo gis nga kon différence wala ma ngi fatali ko suñu ben oustaz bi ko wini masala bi exactement suñu ben mbok talib bi ko laaje ne ko bon ne ko me oustaz waaw bu dul so soxna nak wala mu ne ko deug l'islam do ko xamul bo tax xaw ba tontu a mu lu sa xamna li sa do ko xamul dal motax xaw ba tontu wala deng kon lolu mu moy tanke xal manat kadi ka wu khasaisu nabi la bu ko fekk mu bay ko wa non c'est parce que lolu limi tek moy ku manul acte bi day war wacc yow parce que charte taklif acte mom moy non dio ak taklif charte bul imkan lolou qaida usul yi la tam manam moy acte yalla teureul bi mi teureul sharia ci taxaw condition bi moy mu meuna ne moy possibilité bi am su possibilité bi amul rek acte sharia bi day lan du teggu ci taxaw wala comme tay par exemple buñu né nit manam yalla du tek nit ñi par exemple ko xamantene da fa amé ulcère wala cancer wala xéetu fièvre yo xamantene man ko ñu wor ak sharia limi faratal koor yépp ko dañ ko soumettre ci condition mu baña am fièvre bu koy téré wor par exemple lool moy ak taklif shartul imkan manam waji tay mënu ñu né ko goré la jam parce que amul jam tay man ñun ñi fim tol bu ñu ka bu ñékkon ci cadre figure bobu duñ mëna goral jam hein wa dañu jall ci bëj def moy wor ñaari wéré mais yu tégalo bu munta nek ci lañuy doga léla miskini mais su man fa nek manam imagine yi compte yoy yep dajé nañ mais aw man yi manuma ci def gal munuma sax leer miskin daf may wacc atté bi daf may wacc tout rek damay wax damay tout rek tok di xaar ba kérok makoy man ba kérok makoy man ha ah mais lolou la def tax ni sa xolim ka waaw dafa yomb exactement parce que acte sharia wax nañ ko legui yeen ci sa xam dañ ko yoni ci muy yombal ayo ñu wala qawaid amna benen affaire mom moy sobe bu dara sobe wo da fay waral contraire day waral lu haram mais aussi lu haram day waral ak sobe wo xam nga lan moy motax règle bu am solo la qaida bi ni qaida bu am solo moy ki bi exister entre lu manam lepp lu sobe wo da haram lolou qaida fiqhiyela qaida fiqhiyela moy la mën nañu ubbi wat ci diagramme ni waji dem na moy lepp lu la kullu najisin haram lepp lu sobeu da haram lolou lu koy tektale lan moy preuve bi ci suñu hadith bi mbam bu haram la dañ len ko téré légui lutax parce que sobeu alquran dani qul la ajru fima uhiya ilayya ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw damal masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs waxal ne dajuma fi len lo xamne dañ ko haramalal ci lu ngeen lek ko luddul mu nek med wala mu nek lan deram di wal wala mu nek yap mbam khuf mu ne ndax lan sobela daaw dafa ko bi dafa wax ne yoyu lan lañ sobela sangara bim koy haramal ndax innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam lan richun min amali shaytan sobele ci jëf shaytan ay la bok manam mais bobu du sobe jëm comme niñ ko non du astaghfirullah sobe jëm la en kay comme niñ ko gisé aussi sobe la sangara sobe la mais lidul sobe jëm mom moy lan moy ha estafiy ak yoy yoy du sobe jëm ci jëf shaytan ay la bok lo tam gis nañ ko kon lepp lo xamné sobe la rek day tekkel ak haramam waye tam كل حرام من المطعومات نجس لب لو خامتاني دا فا حرام تي ييغا خامتاني دنج كوي ليك ني ني ليك لب لو تي حرام داك لاندا تامي صوبلا لول بار كونت مو لاك ارغومون لول مو لاك ارغومون باسكو كونترير بي غيس نانكو كونترير مو خام نانكو دايور سين حديث بي داف نيكوي وار موي لاك contre bi moy la moy li gis sank moy la dafa haram maintenant legui le fait que lu haram sûr la manam reversibilité wu qaida bi règle bobu mo lak argument ana kan momu meuna dox argument ci suñu hadith bi ci suñu hadith dafa laaj mais réflexion une petite réflexion mais pas beaucoup mo tax nga gis imam shafi neena ñima gis ñu gëna ñaw xel moy ñi nga xam moy ñu yëngu ci fiqh ni ñom ñu gëna ñaw xel ci ñi mo mësa gis parce que dañuy am fi neuf ci ñuy ci wé affaire manam ñuy jëmmé atay ñima gis ñi ñu gëna am fi neuf ci expression manam lu muy wax rek dañuy fet mo bi gëna bax ñu tan nako bi gëna aj approprié moy ñu yëngu ci hadith ka dañuy am ben justice ci côté bon ñima gis nak ñi nga xamantene ñom ñoo upp honorabilité moy ñu yëngu ci alcorane tafsir alcorane wala gis nga légui xolal buñu xolé mbam yen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni sobe la motax mu haram ce qui veut dire que ni avant ñu ko don haramal nekul won lan nekul won sobe lolo tax ñu ko daan mëna lek parce que xam nañ ni lu sobé wu rek dafa haram lolo xamoon nañ ko fa lañ ko xamé ci aya bi mo leen wax sank ci aya bobu makka la nek ndax wala la wacce ndax suratul an'am la nek suratul an'am makka la wacce ci suratul an'am sar la bo xamné dafa wacce mom rek mom kefe 70000 malaaka ñoko wacce mom kefe bi mi ñew wala donc mom non la wacce non mom mo tax tamit lan té acte bi ni dem nañ medina way at xare xé bar togam deng kon xamone nañ ni li nga xamné dafa haram li nga xamné sobe la mom dafa haram mais li nga xamné mom moy par contre mom la no suñu hadith bi di jangal lu bex moy né li haram sobe la parce que mbam bi avant moy haram nek lu sobe waye dag ko harama rek mu dal di wolbe ci guda di nek sobe wala lool nak daf ñuy dimbal lool benen problème lay régler am ñi nga xamantene ñoy wahabi di par exemple ñi nga xamne dañuy wax né bon lu bari ci ñom en tout cas du ñepp nak mais lu bari ci ñom dañuy wax né manam sangara du sobe waye buñu xolé fi sangara manam suñu qaida bi suñu règle bi daf ñuy wone sangara la sobe la sobe jëm la sobe jëm la ci kaw lolu dafa melni ha oui c'est waaw ñom dañu japp na manam non ñom wax na la fuñ ko tégon ha dalilul iqtirar la faté moy sa salat bi moko jëndé no xala fi ñom dalilul iqtirar lañu jëfëndiko amé a momo la ina di ko xé na ci entre eux c'est les malikites oui c'est le khalafit oui effectivement oui des khalafit oui pour le cheval oui c'est vrai oui parce que mais au moment où il y a des textes qui précisent que le cheval est licite c'est pour cela que la plupart des que certains khalafit effectivement comme le grand cheikh Mohammed ibn Hassan al-Shaybani rahmatullah alayhi lui autorise voilà effectivement dit que nous autorisons le cheval et on sait que voilà mais si on suit ce raisonnement ça veut dire que s'ils interdisent le cheval, c'est-à-dire que le cheval est une souillure non, attendez, il y a une différence entre le cheval qui est une souillure qui est une pureté et la viande du cheval qui pourrait être une souillure. Il faut faire la différence entre l'âne en tant que tel qui est qui est pure et la viande de l'âne qui est une impureté. Il y a une différence parce que tout être vivant est pur. Tout être vivant, sauf quoi? Sauf le porc. Voilà, bon, le cochon, voilà. C'est pas si c'est la même chose. Voilà, cochon moins calme. Voilà. Maintenant, ici, les Hanafis ont utilisé cette règle qu'on appelle Dalilul Iqtiran, c'est-à-dire le fait que les choses soient citées en même temps dans un verset. Al-Baghla, Al-Khayla, Al-Birala, Al-Hamira. Litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Donc le barbeau ou le mulet, le cheval et l'âne, Allah subhanahu wa ta'ala également les a créés hein, pour que vous les preniez, vous les considérez comme monture et aussi pour ornement. Et il a créé autre chose que vous ne savez pas. Voilà, donc, Lolo, c'est à part de ce... Voilà, donc, Lolo, qui le... Moi, Lolo, Dalil Ixtiran là. Mais on avait vu précédemment, et d'ailleurs j'avais promis de revenir sur cette règle, parce que la fois passée, vous, votre question c'était par rapport à ça, que on n'en avait pas... que voilà, que... voilà, sur le Dalil Ixtiran, voilà, quelles sont les conditions pour que cela soit pris en compte ou pas. Et on avait vu qu'il y a des cas de figure où Dalil Ixtiran est considéré que chez les Fouqaha et chez l'ensemble, l'unanimité des Fouqaha, des sables des juristes, et des cas de figure où le Dalil Ixtiran n'est pas considéré du tout par la plupart des Fouqaha, mais chez les Hanafiyah, eux, ils le considèrent. Par exemple, le cas de figure où Allah subhanahu wa ta'ala interdit, par exemple, par exemple, quand il dit « Inna ma hurrama alaykumul maytata, wa dama, wa lahma al-khindir, wa ma uhilla li ghayri Allahi bih », etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit, et voilà, rien d'autre, c'est-à-dire que Allah n'a interdit que la bête morte, al maytat wa dama, le sang, c'est-à-dire ce sang là qui coule, et wallah mo khadir la viande du porc. Par exemple, ça, le fait que toute cette conjonction de coordination là entre la bête morte al maytat wa dama, le sang, etc., cette conjonction de coordination là qui sont opposées l'un après l'autre montre que tous ils se réunissent autour d'une seule chose, c'est le fait que c'est interdit. Voilà, on vous a interdit tel, tout ce qui est sur cette liste-là est interdit. De manière claire, et voilà, cela montre le caractère illicite ou l'illicité de toutes ces trois choses. Voilà, donc ça c'est clair. Maintenant, en considérant d'autres cas de figure, on pourrait prendre d'autres exemples où il n'y a pas d'illicité ou bien ce qu'on appelle dalil ixtiran, donc cet argument ou cette preuve de liaison entre de liaison due aux conjonctions de coordination ne permet pas d'affirmer que tous ces ensembles, tous ces éléments ont, dans le cas de la liste, ont le même caractère juridique, ont le même verdict. On peut donner l'exemple de ce verset-là, donc le cheval, le mulet, l'âne, voilà. Parce que pourquoi? Ou bien Allah, là où c'est clair, c'est tout à fait clair, comme les Maliki, Shafi'i, Hanbali, disent souvent aux Hanafis, c'est le verset qui dit, hein, celui qui est dans ce Quran, فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Donc le jour du récolte, mangez et de cette récolte là, du fruit, voilà, ou bien du produit de votre agriculture, mangez-en le jour de la récolte et وَآتُوا حَقَّهُ, et donnez, acquittez-vous du droit, c'est-à-dire de cette zakat, de la zakat de cette agriculture, voilà tout ce qu'il faut, et n'abusez pas, ne gaspillez pas, car Allah subhanahu wa ta'ala, certes, n'aime pas ceux qui gaspillent. Voilà, donc ce verset-là nous montre clairement, hein, comment, voilà, ce verset-là nous montre que Dalil Ixtiran, c'est-à-dire que cette argumentation-là ne tient pas. En tout cas, ne tient pas dans cette condition, dans cette circonstance-là. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une conjonction de coordination entre deux phrases ou semi-phrases qui n'ont pas le même verdict, juridiquement parlant. Manger et donner la zakat, ils n'ont pas le même vertu, le même caractère juridique. Je pourrais, on pourrait imaginer que je puisse cultiver mon champ. Le jour du récolte, je n'en mange pas, je prends tout, je donne la zakat, j'offre à d'autres, etc. Je vends l'autre partie. C'est bien possible. Et je n'aurai pas de péché parce que tout simplement, dans le Coran, Allah nous a dit mange. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Et donc, dans ce cas de figure-là, la conception de coordination entre ces deux phrases ou semi-phrases ne me permet pas d'affirmer ce lien, voilà, de voilà, cette obligation de d'avoir le même verdict sur tout, voilà. Voilà, donc ça, c'est sûr. Et c'est pour cela que les autres savants, la majorité, c'est-à-dire les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, disent aux Hanafites que voici un verset qui nous montre que tout, que la conjonction de coordination ne montre pas l'unicité ou la communauté, ou bien le caractère commun d'un même verset. Et donc ça, c'est un autre cas de figure. Maintenant, il y a d'autres... Et d'ailleurs, on l'avait vu dans le hadith numéro 5, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que... Comment? Hein? La yaktasilu ahadukum fil ma'id da'im. Non, la yaboulanna, c'est l'autre partie que dont j'ai besoin. La yaboulanna ahadukum fil ma'id da'im. Allezi la yajri. Summa yaktasilu fihi. Voilà, c'est la version de l'imam Abu Dawud rahmatullah alayhi qui m'intéressait là. Voilà, parce que personne parmi vous n'urine sur l'eau stagnante et que personne ne s'y lave alors en état de janaba. Donc, ces deux-là, les hanafites rahmatullah alayhi, vu que pour eux, dalil al-istinad a un poids dans la jurisprudence, pour eux, le fait d'uriner sur l'eau stagnante a le même effet que le fait de s'y laver. Donc, si quelqu'un se lave en état d'impureté sur l'eau stagnante, rend cette eau impure ou en état de souillure, alors que les autres savants ne le considèrent pas ainsi. Voilà. Voici cette différence-là. Non, mais c'est tout ça, c'est ce que je suis en train de dire. Que dit, il y a une différence entre dalilul iqtiran bi hanaf bi nga xamantene ya le dalilul iqtiran fait l'unanimité sur certains cas de figure bima la wax moy par exemple là où Allah subhanahu wa ta'ala cite en même temps le caractère illicite de manger la viande, le porc, c'est cette liste-là. Tout. Maintenant, regarde. Il y a d'autres cas de figure où il y a... Regardez par exemple le verset qui dit « Wa atimul hajja wal umrata lillah » Accomplissez le pèlerinage, le hajj et la umra pour Allah. Ce verset-là est la cause de l'unanimité des savants sur le caractère obligatoire d'accomplir le hajj et la umra une fois commencé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a débuté mon hajj ou la umra, je ne peux plus revenir en arrière. Il faudrait que je le complète. Et que si je ne le fais pas, cela soit une dette sur moi jusqu'au jour de la résurrection. Voilà. Mais ça, c'est pour cela que dans ce cas de figure, dans l'Ikhtaran a un effet. Est considéré, mais jusqu'à un certain lieu, jusqu'à un certain moment. C'est quoi? C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit comme quand il dit que voilà, il faut que vous accomplissiez donc le hajj et la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc une fois débuté, on ne peut pas dire par exemple que le hajj est obligatoire et comme on a fait la conjonction de coordination avec la umrah, Donc la obra aussi est une obligation, non? On ne peut pas dire cela. Les deux n'ont pas la même valeur juridique. Hein? On est d'accord? Mais donc, comment, regardez, il y a un autre verset qui dit, il y a un autre verset qui dit, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Ce verset là qui dit que on prend juste la première partie. Allah vous ordonne, vous voyez l'ordre. Exactement. Là ça devient intéressant avec ce qu'on avait vu tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala vous a demandé, vous ordonne, يأمركم بالعدل, la justice. Vous ordonne la justice. والإحسان est la bienfaisance. Regardons ces deux choses-là. La justice est une obligation, mais la bienfaisance n'est pas une obligation. Mm-hmm. Voilà. En fait, le fait de parfaire la chose, moi, rafetal, ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors que la justice est une obligation. Mais tous sont sous quoi? Comment ça s'appelle? Sous une globalité qui est générique, sous une générique qui est quoi? L'ordre. Parce que l'ordre peut vouloir impliquer quoi? L'obligation, mais ça c'est le principe, comme on avait dit tout à l'heure. Mais l'ordre peut ne pas impliquer l'obligation, mais juste là, voilà, une requête, mais aussi une. Annadbu, c'est Stihbab, ce qui est bien, ce qui est préféré, voilà, le recommander. Voilà, le recommander. Tout simplement. Mais tous, donc, il faudrait bien voir cela. Il faudrait bien voir, selon le texte, qu'est-ce que cela implique. C'est pour cela que Dalil al-Istiraq fait partie des points qui échappent le plus au juriste. D'ailleurs, presque on n'en a pas rédigé de livre, ou presque, sur ce point-là. C'est un point extrêmement sensible. Voilà. Donc il faudrait bien noter cela. Il faudrait bien voir. On ne peut pas prendre comme le disent les Hanafites que c'est bon, ou bien comme le disent les autres, de manière globale que c'est notable. Non, ce n'est pas, on ne peut pas le considérer, mais il faudrait bien voir les choses cas par cas. Parce que c'est un point qui échappe quand même à voilà, c'est un point voilà, qui demande de la finesse dans la compréhension des choses pour pouvoir. Voilà. C'est pour ça que Dalil al-Ikhtiran est un point difficile. Voyez, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, qui est dans les sahih d'Imam al-Bukhari rahmatullah alayhi, qui dit que « Sayakounu fi ummati aqwamun yuhallouna al-hirra, wal-khamra, wal-harira, wal-ma'adif. » Il y aura des gens dans cette communauté qui viendront et qui essayeront, vous voyez, « yastahillouna » qui essayeront de rendre licite al-hirra, c'est, on peut dire, c'est la fornication. Ou en tout cas, les formes de fornication, comme par exemple la prostitution. Ou al khamra, le vin. Ou l'alcool. Voilà. Ils prennent des choses qui rendent ivres. Après, ils disent que non, mais c'était pas ça. Le prophète n'a pas interdit ça. Ça n'existe pas autant du prophète. C'est pas, etc. Voilà. Ils essaient de le rendre licite. Voilà. Ou du vin. Voilà. Du vin halal, comme ils disent. Voilà. Alors, voilà. Mais, hein? Wal harir est le soie, ou la soie. La soie, c'est un tissu. Voilà, ce tissu-là est illicite pour les hommes, mais illicite pour les femmes. Et wal ma'azif. Le ma'azif, c'est les instruments musicaux. Tout ceci, regardez bien. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les amis, c'est-à-dire que c'est une liste. Donc, il y a une conjonction de coordination. C'est une liste. Mais sous la même générique du fait que ceux-là veulent interdire, veulent rendre mystique une chose. C'est-à-dire, le fait qu'ils disent que les gens vont vouloir le rendre mystique montre que c'était illicite. Voilà. Et donc, imaginez, donc dans ce cas de figure aussi, Dalilul Ikhtiran est considéré par tout le monde. C'est pour cela que parfois, les hanafites disent aux autres que parfois vous le considérez, parfois vous... Voilà, et là, ça c'est une preuve, voilà, irréfutable que la Dalilul Ikhtiran est considérée. Mais en fait, c'est pour cela qu'il faudrait faire la part des choses, là où c'est considéré et là où ce n'est pas considéré. Selon chaque cas, où cela doit être considéré et là où cela ne doit pas être fait. Parce que là maintenant, on va transcender les écoles. Hein? On transcende les écoles et on essaie d'étudier les choses par rapport aux arguments des uns et des autres. Voilà. Et donc, il faut voir aussi que dans certains cas de figure, le Dalilul Ikhtiran est considéré et donc dans d'autres moins considéré et voilà. Maintenant, regardez par exemple là où il dit, là où il y a le verset de Hajj et de la Umrah et le verset où il y a l'ordre de la justice et de la bienfaisance, si on voit que c'est une générique. Donc le Dalilul Ikhtiran, s'il y a une liste, là où s'il y a une liste, là, cela elle est considérée, mais que sous la bannière de cette générique-là. Maintenant, à l'intérieur de cette générique, il pourrait y avoir une différence. Comme là où le Al-Fitra, là où il parlait de Sunan Al-Fitra, il a parlé de Al-Khitan, c'est-à-dire la circoncision, il a parlé du fait de diminuer les de couper les ongles, il a parlé du fait de voilà pas sous chawarib, c'est-à-dire que de diminuer les moustaches, il a parlé du fait de laisser la barbe, il a parlé du fait, etc. Et maintenant tout cela, il a parlé également du fait de défiler, de l'épilation, voilà, les aisselles, etc. Donc, tout cela n'ont pas obligatoirement le même statut juridique. Mais ils ont des points communs. C'est quoi? C'est le choix qu'Allah avait fait pour les prophètes et pour l'humanité aussi de manière générale. C'est-à-dire que c'est les puretés originelles. Voilà. Voilà. Donc, il faudrait toujours voir à travers cela le générique. Que tout cela sont sous la bannière du générique. Maintenant, à l'intérieur de cette générique, il y a des détails qui pourraient concerner certains éléments de cet ensemble, de l'ensemble, c'est-à-dire que de la liste, et ne pourraient pas considérer d'autres éléments. Maintenant, si ce sont deux phrases distinctes et qu'il y ait juste une conjonction de coordination, cela n'a pas de valeur comme le disent la majorité des savants, comme les malikites, les chafites, les hambalites, etc. Et les hanafites, pour eux, ça a une considération. Voilà. Ça, cela pourrait être considéré. Voilà, donc, c'est, en gros, c'était ça, quoi, par rapport à ça. En fait, je l'ai dit en français, parce que c'est sa question, c'est en français. Voilà. Voilà. 94, Salam Mashraf, ou en insistant, la traduction dit n'avons pas ouvert ton cœur. Est-ce que ta poitrine, est-ce qu'on peut transposer ce genre de verset à notre personne? Je m'explique. Par exemple, ce genre de choses, je l'ai ressenti lors de ma conversion, mon cœur qui s'est ouvert, le fait que Allah pardonne à celui qui embrasse l'islam les péchés antérieurs, lorsque, si on étudie le tafsir, donc de cette place-là, ça a été révélé dans une circonstance bien particulière. C'était, si je ne dis pas de bêtises, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à son plus jeune âge. Cela fait référence à cette période, oui. Oui, donc est-ce qu'il est permis donc, de transposer des versets qui ont été révélés par rapport à une circonstance particulière En fait, il y a une qaïda, une règle de usul qui dit, voilà, on était sur le usul, qui dit al ibratu bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab. La considération des statuts juridiques est selon l'expression, c'est-à-dire la globalité de l'expression utilisée, et non selon les conditions, les circonstances, la particularité des circonstances de révélation. Voilà. Maintenant, si par contre votre question, bon, c'est-à-dire que le cas de figure qui ne concerne pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas de figure, ou bien ne concerne que quelques singletons de parmi les musulmans, et ce verset, voilà, ce verset ne concerne que quelques singletons. Parmi les musulmans. Mais il y a un autre verset qui concerne la globalité des musulmans. C'est là où Allah SWT a utilisé la même expression. Il dit, regardez. Il dit, « Afaman sharah Allah sadrahu lil-islam, fahuwa ala nourin min rabbi. » Et celui donc, n'est-ce pas que celui à qui Allah SWT a ouvert. Donc, en fait, le mot charha, quand on fait un commentaire d'un texte, on dit, on fait son charha, c'est-à-dire son commentaire. C'est-à-dire le fait de d'expliciter, d'éclaircir quelque chose. C'est ça, un charha. Donc, avec cette explicité, cet éclaircissement, cette ouverture, cette illumination du cœur ou de la poitrine plutôt de la poitrine, et c'est ce qu'on appelle charha. Donc, c'est le fait que le cœur, la poitrine plutôt, autant pour moi, la poitrine puisse être illuminée. Et celui-là, cette illumination-là, concerne tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien dit dans ce verset-là dont je viens de citer, qui est dans la sourate Az-Zumar. Il dit que, et n'est-ce pas celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert, donc, c'est-à-dire à illuminer la poitrine pour qu'il devienne musulman. Donc, l'islam, pour qu'il se dirige vers la soumission. N'est-ce pas celui-là, pour voir la nourriture rabbi, n'est-ce pas celui-là est dans la lumière provenant de son Seigneur. Voilà. Donc, ce verset-là concerne la globalité des musulmans. Voilà. Et vous voyez-vous ce même mot d'éclair d'éclaireur de d'illumination, etc. Et le même mot dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait usage en rapportant la parole de Sayyidina Moussa quand il dit Rabbishrahli Fadri, oh mon Seigneur, voilà, ouvre-moi, voilà, éclaire-moi, illumine-moi ma poitrine. Voilà. Et il a dit également, Allah a dit dans un autre verset, qui est dans la sourate Al-An'am, là où il dit, « وَمَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْ » Non. Quand il dit, « وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا مُحَرَّجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il dit yashrah, il ouvre, il illumine, il éclaire sa poitrine, l'islam pour qu'il se dirige vers la soumission. C'est-à-dire que donc il a une ouverture. Et il dit, maintenant, Par contre, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut, décide de dégarer, yaj'al sadrahu dayyatan harajan, il fera de sa poitrine quelque chose de restreint, de d'enfermer, dayyatan harajan, voilà, de renfermer, de restreint, ka annama yas'ad fi as-sama', comme si il évolue, il montait au ciel. Avec, voilà. Donc, sa respiration. En fait, il y a cette respiration physique qui existe. Voilà. Donc, la diminution de cette respiration, donc de la poitrine, donc la poitrine se rétrécit quand on s'élève au ciel, plus on monte. Voilà, quand on est dans les montagnes, par exemple. Mais cette restriction-là physique existe également dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une restriction de la poitrine spirituellement. Quelqu'un qui n'est jamais content, qui est toujours là, sa poitrine est renfermée, il n'a pas... Voilà, comme nous on dit en Wolof, il y a tout de nous, donc c'est quelqu'un qui a une poitrine large. C'est une expression pour dire que sa poitrine est éclairée, il n'a pas certains sentiments comme la jalousie, comme la haine, comme le mécontentement... durable, etc. Voilà, il y a certaines vertus qui sont en lui et qui font que toutes ces maladies de la poitrine, et voyez-vous bien, dans tous ces versets, c'est pour ça que je vous avais repris là tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala parle dans tous ces versets de poitrine et non du cœur. Parle de poitrine, de la poitrine, parce qu'il y a une différence entre la poitrine et le cœur. Mais il y a une autre chose, l'alpoat. C'est vrai qu'il y a la poitrine qu'on appelle al-sadr, il y a al-qalb qui est donc le cœur, mais il y a al-fu'ad. Fu'ad, je ne connais pas sa traduction, ni en français ni en wolof, mais c'est le moteur qui fait tourner le cœur à l'intérieur. Voilà. Donc chacun a sa spécificité et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant ces termes, choisit bien ses mots. C'est d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure au début, que dans la science, chaque mot a son importance. Voilà. Allah ta'ala. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est censé méditer sur chacun des versets lorsqu'on est en prière, ouais. Quand je vais écouter cette sourate, Inch'Allah, ça veut dire que les mieux mots que je médite, le contexte sur lequel ça a été révélé plutôt qu'en transposant en personne, c'est ça. En fait, chaque musulman a une part d'héritage sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque musulman a sa part d'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on peut bien méditer cela par rapport à notre propre personne. Mais, par exemple, il y a des faits qui sont spécifiques au prophète. Par exemple, le fait qu'il y a les anges qui sont venus, qui ont fendu son cœur, etc. Ça. Et l'on, voilà, l'on lavait avec de la sagesse et de la foi. Voilà. Imanan wa hikma. Donc, avec comment ça s'appelle, un bol en or ou il y a, c'est-à-dire l'eau était la sagesse et la foi, voilà, tout ça. Et ils ont enlevé aussi la partie noirâtre, et qu'il a dit, « Haza hazbuka mina shaitan » et ça c'était, ou le hazbu shaitan minka, ou plutôt, ça c'était la part de Satan sur toi. Voilà, des choses comme ça, ça, on ne peut pas le transposer sur nous-mêmes, mais on pourrait évoluer spirituellement jusqu'à réaliser cette réalité-là, sur nous-mêmes, mais spirituellement. Et c'est, par contre, c'est possible. On pourrait aller jusqu'à... Et quand cela sera réalisé totalement en nous, spirituellement, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le nafs, l'ego, l'âme, qui est en réalité le monde. Voilà, qui est notre monde à nous. Voilà. Et que nous combattons pour que ce qu'on appelle ce qu'on dit. C'est-à-dire... c'est-à-dire c'est quand c'est une expression que les soufis utilisent pour exprimer quand la blancheur, voilà, étymologiquement, c'est quand la blancheur du matin, hein, fend la noirceur de la nuit. Et maintenant, cette expression est utilisée par les soufis pour exprimer le fait que le cœur, c'est-à-dire que la liaison existante entre le cœur de l'homme, son physique ou plutôt l'âme, l'esprit, c'est-à-dire Aros, l'esprit et le physique, où il y a entre les deux qui ont fait une jonction, et que cette jonction-là n'est possible qu'à travers le grand monde qui est l'âme, son ego. Voilà. Donc ce qui fait que tout ce qu'on combat à l'extérieur existe en fait en nous. C'est quand on veut combattre quelque chose à l'extérieur, il faudrait le combattre en nous-mêmes. C'est-à-dire que le nafs, cet ego-là, est le monde en fait. Le monde, ce qu'on dit le monde là, avec tout ce que cela implique. Par exemple, si je veux combattre, par exemple, l'avarice, il suffit que je le combatte auprès de mon nafs, c'est-à-dire que de mon ego. Je ne le combats pas à l'extérieur, je le combats juste auprès de moi. Si je veux combattre, par exemple, l'amour ou la convoitise de ce bas monde, il faut que je le combatte juste dans mon intérieur. Et c'est exactement cela qui est le monde. En fait, le monde n'est en réalité que mon nafs. Et le jour où je vais avoir raison de mon nafs et que je vais le terrasser, et ce jour-là, j'aurai cette ouverture-là. Voyons, n'avons-nous pas fendu ton cœur, ton tête à poitrine, cette fente, cette ouverture, cet éclaircissement, ou cette illumination, c'est ce qu'on appelle communément chez les gens de cette voie, c'est-à-dire de ceux qui cheminent auprès envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaissants, les gnostiques, on l'appelle Al-Fatih, l'ouverture illuminative. Voilà, c'est Al-Fatih. C'est pour ça que quand le jour où mon âme ou mon ego disparaîtra, donc c'est cette part-là de Satan sur moi, le jour où cela disparaîtra, j'aurai ce qu'on appelle le Fathul Akbar, c'est-à-dire la grande ouverture illuminative. Voilà. Et là, je réaliserai un héritage semi-complet du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cela. Donc, bien sûr, on peut bien le réaliser en nous-mêmes, mais selon notre niveau. Donc, selon chaque niveau de l'héritage. C'est pour cela que tout musulman a une part de cette ouverture, de ce fatwa-là. Tout musulman en a. Parce que le simple fait d'être illuminé au point d'être musulman, de croire à Allah subhanahu wa ta'ala et à tout ce qu'il faut croire, quoi, donc les piliers de la foi, est en soi une illumination, une ouverture. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce même terme, cette même expression, ce même terme, aussi bien sur le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le cas de simple musulman. Voilà, Allah ta'ala. Voilà. Wa légui ki da fay laaj bu ñëk bi né ndax amara mën na signifier permission mën na impliquer permission wa mën na impliquer permission mom gisoon nañ ko moy su fekkante la dafa dañu bëllu ci ki quoi dañu téré dara ba fa digulat comme li alcorane fa iza halaltum fastadu. Voilà. Solen, comme ni soule dañ lay tire rebut moment bi nga armal sacralisation là bu amé pour ak dañ lay téré ngalal reub mais mune bo len démé ba ngeen deñ lool ci lool rek dem len reub ci manam dem le rubbi ji gogu limi tek moy lan moy man ngeen autoriser nañu ngeen rubbi comme par exemple c'est pour ça alors que lolu par exemple chez le lolu qaida usuliyya la tamit lolu tam baxna ci suñu kibi baxna ci amru comme ci amru la ñekkon bo xolé jumhurul ulama donc moy hanafiya shafi malikiya shafi hanabila rahmatullah tous ñom ñep sont unanimes sur un fait moy liñ wax sax moy ne al amru an al amru ba'da an-nahy yaqtadi al-ibaha al amru ba'da an-nahy yaqtadi al-ibaha donc l'ordre après l'interdiction implique une permission une autorisation une simple autorisation voilà donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui étaient en état de sacralisation dans le Hajj que si vous désacralisez alors allez faire votre chasse, cela ne signifie pas qu'on est obligé d'aller faire la chasse. Alors que chez les Zahiri, c'est une obligation parce que les Zahiri, eux, ils disent que non, c'est un ordre, donc cela implique une obligation. Alors que, par exemple, quand il dit « فَإِذَا تَطَّهَرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset où il dit que ceux qui sont, les femmes qui sont en état d'impurité, c'est-à-dire de qui voient leur menstrue, il faut que vous vous éloigniez d'elles jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Maintenant, dès qu'elles se purifient, vous pouvez les parvenir de là où Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné son ordre ou bien vous a autorisé, c'est-à-dire que vous pouviez encore avoir des rapports intimes avec eux, avec elles. Mais cet ordre-là n'implique pas une obligation. Cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que la femme a vu ses règles et a fini de se purifier, on est obligé d'avoir des rapports intimes avec elle. Non. Voilà. Ça, c'est un cas de figure où l'ordre implique juste une permission, une autorisation. Il y a aussi l'autre cas de figure qui est le plus connu et souvent beaucoup. Voilà. Là, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Si la prière se termine aussitôt dispersez-vous sur la terre. Cette parole vient également après une interdiction parce qu'il a dit que, attendez, vous qui croyez, quand vous entendez l'appel de la prière, du jour du vendredi, nous dit le soir du mois de mars, parce qu'il a dit que là, on va rouvrir. Voilà. Précipitez-vous vers le rappel d'Allah. Voilà, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et abandonnez les activités commerciales. Voilà. Et c'est pour cela qu'il a dit, après qu'il a dit, voilà, maintenant, quand la prière sera finie, sera terminée, alors dispersez-vous aussitôt et allez continuer à rechercher les bienfaits d'Allah, c'est-à-dire de fortune. Mais cela ne veut pas dire que quand je prie aussitôt, quand je dis assalamu alaikum, aussitôt je dois me précipiter pour aller. Ou pourquoi? Parce que c'est ordre, parce que c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas cette injonction, ce verset. C'est pour cela. Alors qu'il y a l'unanimité ou presque des savants, c'est-à-dire l'unanimité des savants des quatre mazhab qui disent que quand on finit la prière, cet ordre-là n'implique qu'une autorisation et qu'une permission. Voilà, je pourrais... Voilà, je peux faire. Et d'ailleurs, le prophète Asabus, il y a quelque chose qui est répandu, surtout dans cette communauté, en tout cas ici en France, c'est le fait que quand les gens finissent aussitôt de finir la prière, ils ne se lèvent pas. Alors que le prophète sallam, a dit qu'il y a des zikrs à faire. Il y a des zikrs à faire. Aussi essayez-vous là où vous êtes et faites modérer. Mais subhanallah, cette sunna, c'est comme si... Mais elle est tellement délaissée que... Mais c'est impré- impressionnant. C'est l'imam même lui-même, l'imam. Lui-même qui commence le premier. Aussitôt, salam alaykoum se lève. Alors que ça, c'est contraire à la sunna. Ce n'est ni connu par le prophète, ni par les compagnons, ni par les générations qui sont venues après. Voilà. C'est une... Voilà, c'est... Mais je n'arrive même pas à savoir pourquoi. La cause. C'est-à-dire que d'où vient cette tradition-là, c'est là. C'est... Voilà. Alors qu'il y a des zikrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné après la prière, il faut les faire et avec tout ce que cela implique. Quand il a dit Sayyidina Mouaz radiallahu ta'ala, il lui a dit au Mouaz, moi je t'aime. J'assure, wallah, je t'aime. Donc, dit après chaque prière, ne cesse de dire Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il y a ce qu'on appelle aussi les baqiyat salihat. Voilà. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois, etc. Mais tout ça maintenant c'est délaissé. Pourquoi? Salam alaikum. Alors, on se lève, allez, on commence à. Alors, ça fait longtemps là. Ya subhanallah. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Wallahu ta'ala ala. Ñaaral question mu ne ci ñaari montant yi ban lañ ci carte de zakat fekente ne janvier 2014 nit ki dafa gagné 2000 euros wa janvier 2015 nit ki gagné 3000 euros wa ci ñaar yi ban lañ ci carte de zakat leerum de question non mais non salam da wañé ko Non, 2014 là, 3000. 2014, 2000 euros là, 2015, 3000 euros. Ah, d'accord. Maintenant, non, mais attendez, il faudrait savoir une chose. Et quelle est importante. La zakat n'est soumise, n'est obligatoire que sur l'argent qui a duré pendant une année révolue du mois lunaire. Et où on n'est jamais allé en deçà ou en dessous du seuil imposable. Ça, c'est une chose qu'il est important de savoir. Tous ces calculs-là qu'on puisse dire sur la zakat et qui concerne les salaires-là, toutes ces zakats-là sont calculés sur de base fausse. On ne peut pas calculer une zakat sur la base d'un salaire. C'est impossible. On calcule la zakat sur la base de la somme gardée pendant une année révolue. Voilà. Ou de ça du montant imposable. Oui. Pendant ce temps-là. Voilà. D'accord. Pendant ce temps-là. Voilà, maintenant, si aujourd'hui, voilà, si par exemple le premier, ou bien le 5 du mois de Chaban, le 5 du mois de Chaban, j'ai 2000 euros avec moi, et que ces 2000 euros-là, en tout cas, voilà, n'a pas. Bon, ou bien on prend environ 650 euros. C'est parce que le seuil imposable est à peu près à ça. 650 euros environ. Donc j'ai 650 euros et qu'à chaque fois je gagne un peu d'argent par-ci par-là. Mais le tout, ce n'est pas l'argent qui est dans les comptes. C'est l'argent tout simplement que j'ai ici dans ma poche avec les autres que j'ai sous mon lit. Et l'autre là qui est dans le compte, c'est tout qui est comptabilisé, tout est comptabilisé. Et c'est très important, tout est comptabilisé. Voilà, on ne peut pas dire sur les comptes, on ne peut pas raisonner avec les comptes seulement. Voilà, tout est comptabilisé. Tout cet argent là, si je le regroupe, vous me connaissez. Et que, me dis-ne, c'est environ vers les 650 euros. Et que, au bout d'un an, c'est-à-dire jusqu'à 5 Chaban, l'autre année, 1437, cela n'est jamais allé en dessous de cette somme. Je regarde toute ma somme que j'ai déjà là et j'en sors 1 pour 1000 pour non 1 pour 41 c'est-à-dire 25 pour 1000 chaque 1000 euros je donne 25 euros c'est ça. Maintenant imaginons qu'aujourd'hui j'ai 650 monnaie à chaque fois je jongle mais parfois ça monte jusqu'à 655 parfois ça revient à 650 parfois ça remonte jusqu'à 655 parfois ça jusqu'à un an révolu. Mais la veille de l'année là ou bien le jour là où ça doit voilà faire un an je gagne 1 million d'euros. J'ai 1 million d'euros. Quand je fais mon compte sur les 1 million et les 650 000 euros. Ça veut dire que je fais le compte sur tout ce que je détiens là. Même si c'est quelque chose qui est gagné tout récemment. Voilà. Maintenant, si par exemple, je gagne ces millions d'euros, etc., et que je les ai investis avant, ou bien je les ai donnés en aumône avant, ou etc., j'ai aidé des gens avant et que cela est reparti en deçà, mais je ne donne pas de zakat. Voilà. Je donne la zakat que sur ce qui est là. Que sur ce qui est là. Je ne donne pas de zakat sur les salaires. Il n'y a pas de zakat sur salaire. Il n'y en a pas. Lolo amoul. Impôt, non mais impôt, non, nous, non. Impôt, cela ne nous concerne pas. Ça. Voilà, non mais ça doit être. Non, parce qu'il y a des gens qui disent parfois que oui, voilà, je le salaire, je vais amboudé, le lingue, je vais. Mais non, c'est pas vrai ça. Oui, ce n'est pas islamique ça. Hein? Voilà. Parce que il y a beaucoup de gens qui se trompent sur un point important et extrêmement important sur la zakat. C'est sur le seuil imposable. Ça veut dire le nisab. Parce que amna ñoo xamantene dañu japp ne nisab bi ce n'est que de par rapport aux 85 grammes d'or. Alors que non, c'est 85 grammes d'or ou 600 grammes d'argent. Voilà. C'est-à-dire que c'est 85 grammes d'or ou 650 grammes d'argent. Ou 600 grammes d'argent. Maintenant, parce que l'argent là qu'on a, les euros, dollars, tout ça là, n'est pas pointé sur l'or, mais c'est sur le cours du marché. Donc, il faudrait bien voir cette différence là. Depuis les années 70, l'argent là n'est plus, voilà, n'est plus pointé sur la valeur de l'or, mais c'est sur la le cours du marché. Et donc cela change toutes les données. Voilà, cela change tout. Donc on pointe les choses, on pointe l'argent, ce qu'on a, sur quoi? Soit, c'est-à-dire que pour la zakat, le seuil imposable doit être calculé par rapport à l'or ou à l'argent. Maintenant, étant donné que c'est comme ça ou ça, bon ça, tous ceux qui ont fait un peu de mathématiques sauront ce que je veux dire. En fait, mais juste un point, hein. Voilà, même en sixième. Voilà, c'est-à-dire quand je dis, pour pouvoir donner de la zakat, il faut avoir une valeur égale à 85 grammes d'or ou une valeur égale à 600 grammes d'argent. Si je regarde par exemple le l'or, l'argent c'est 1 euro environ par gramme, l'argent. Là, c'est environ 20, maintenant ça a évolué à 30, après ça a évolué à presque 50 grammes, 50 euros par gramme. Maintenant, je regarde, si on me demande, il faut 85 grammes de ça ou 600 grammes de ça, mais le calcul est fait, le seuil est retrouvé. C'est sur l'argent qu'il faut le pointer maintenant, plus sur l'or. Parce que l'or a évolué et l'or ne cesse de changer depuis pied. Et maintenant, imaginez, maintenant, voilà, c'est pour cela qu'il faut, c'est ce que je disais au départ. Celui qui ne comprend pas le usul, celui qui ne comprend pas, qui ne peut pas, c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle donne, des choses, hein, mom, il se brouille, il s'embrouille, il ne connaît plus les lois. Mom, d'autres, comment tu le fais ? D'ailleurs, perdre le réseau. Mais c'est vrai, d'ailleurs, perdre le réseau. D'autres, moi, comment tu n'as pas le réseau. Quand le cas de figure bi gars de ñu japp de woy comme xaliss bi ki or bi nangam rek acca tous ils le pointent sur l'or alors que non c'est faux c'est bien clair dans les textes que c'est 85 grammes d'or ou 600 grammes d'argent maintenant le fait de le fait de pointer les choses le calculer cela par rapport à l'or mais c'est un manque à gagner considérable pour les pauvres. Mais hein, pour les pauvres et le but même, l'objectif même de la zakat, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, kayla takuna dawlatan bayna al-aghniya'i minkum, pour que la fortune ne reste plus que auprès des ou bien entre les riches d'entre vous. C'est pour cela que la zakat a été instaurée, pour que la fortune ne reste pas que entre les mains des riches. Mais si on pointe cela, les 85 grammes d'or là. C'est-à-dire que la zakat devient à vers les 3500 4000 euros. Ouais. Et quelqu'un, il faudrait qu'il voit qu'il y en ait pas de 4000 euros environ. Et qu'il n'évolue pas pour qu'il puisse sortir le nom de la zakat. Mais non, quand il y a une zakat, combien de personnes vont sortir la zakat alors? Et la zakat, c'est une obligation. Donc, il faudrait voir cela. C'est-à-dire que c'est le hein? Le hein voilà il faudrait bien voir le c'est imposable parce que donc il y a donc plusieurs conséquences. La première conséquence est ce qu'on appelle la HTA, c'est-à-dire que le fait que cela soit plus sûr. En tout cas au moins quand on le calcule sur les 600 grammes d'argent, c'est sûr que je l'ai sorti. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est le fait de prendre en considération les causes même de l'instauration ou de la légifération de la zakat. C'est le fait que l'argent ou la richesse ne soit pas qu'entre les mains des riches. Donc ça c'est une deuxième chose. La troisième chose c'est le manque à gagner considérable pour les pauvres. Voilà. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Il y a beaucoup de fatwas par-ci, par-là, mais en fait, à un moment donné, tu vois les fatwas, tout ça, mais tu te demandes, mais est-ce qu'ils ont appris une seule chose dans la charia? Ou est-ce comment ils sont, mais comment ils sont, ils arrivent à faire ces... Mais ya subhanallah, on ne sait pas quoi. Vraiment. Yallah yallah sam, qu'Allah nous préserve. Allah ta'ala alam. Mais lol, ça dépend des écoles. Voilà. Mais le prophète avait dit à Aïcha. Ouais, mais avait dit aussi également qu'il faudrait en sortir. Mais voilà, donc en fait ce qu'on appelle voilà, c'est tout dépend donc de voilà, du contexte. Et si on doit en sortir ou pas. Maintenant, si c'est une or, ou c'est de l'or, c'est-à-dire que des comportes, ça, on n'en sort pas. Mais si on n'en fait pas usage juste pour comme fortune comme ça, mais on en sort, parce que c'est une fortune. Oui, non, mais on parle de... J'ai parlé de deux cas de figure. Si on le porte, c'est pour porter, on en sort par la zakat. Si on ne porte pas et qu'on le met juste comme là, comme meuble ou investissement, on en sort pas. Voilà, c'est là. Fait que le 2 septembre, on a fait un pour 2000 euros. Wow. Il faut que l'on l'aide, mais... Non, à la fin, on peut En fait, azaka bi, il faut qu'on comprenne une chose. Quoi? Dans un pays impo. Mais lolu après, yo lolu, mais la zakat n'est pas un impôt. Non, il faut nous l'air. Hein? Faut mensualiser aux impôts déjà. Mais regardez, ça fait. Ben, il faut regarder le cours de ces environs que j'ai dit tout à l'heure, entre 650 et 700 euros. Mais du coup, Internet, la cours de l'argent. Google, vous voyez l'argent. Le cours entre euros argent et tu verras. Là, lola baroul, quand lola baroul. Non, mais si ça revient souvent, c'est que les gens, c'est qu'on n'écoute pas. Non. Voilà, il y a une possibilité de l'argent. Hein? Voilà. Mais c'est un sujet large. Il ne faut pas penser que c'est un sujet. La zakat, c'est un livre dans le fiqh. Ce n'est pas un sujet. C'est un livre. Ouais. Mais on est déjà dans la Sahara, dans la pureté, les choses les plus basiques. Il faut commencer par les choses les plus basiques. On viendra maintenant avec les questions, on va traiter aussi un peu de tout. On traite un peu de tout avec les questions, mais on est dans les choses les plus basiques. Et il faut évoluer, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Voilà. Comment? L'estimation pour terminer le livre. Oui, c'était 25 ans. Maintenant, ça devient ça devient 37 ans. Voilà. Eux là, ils vont, c'est leurs petits enfants. Voilà, c'est leurs enfants. Voilà, donc on voilà, nous ayons pour ton. Nous jullis. Wallahu ta'ala ala wa sallala wa sallam ala wa sallam ala wa sallam ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.